êtes malades, les gars. de mon enfance, les épreuves et les espérances, de cette fleur qui s'épanouit sur le silence, ton absence. Je rêvais d'un autre monde où la terre se lève, où la lune serait putain, je trouve les accords. Ça vient, ça vient. Yeah. Vous chantez avec moi. Je rêvais de notre monde où la terre serait ronde et la lune est si blonde. Attends Titi, sur une version un peu remixée. Cendrillon. On attend Titi, on attend Titi et Cendrillon. On attend Titi et Cendrillon. Ne t'entends pas mon petit Titi. Ah. La boucherie des enfants, son bel amant le plus charmant. Quand sur son cheval blanc, on oublie le temps dans son palais d'argent. Son triomphe pour ses 30 ans, la plus triste des moments. Son bel amant à bout du camp. La belle voile au vent commence à voir, à traîner dans les bars. Allez Titi. Titi. C'est l'heure d'aller manger et d'arrêter, j'ai mal au dos. Guitare bourrée. Souvenir. Qui me laisse tous nos parents. Toi tu fais un. Bonsoir, à bientôt.